une histoire particulière. C'est l'été et je vous emmène en voyage. Pendant une heure, chaque dimanche, de 16h à 17h, vous allez découvrir un lieu et son histoire. C'est la collection Été 2019 d'une histoire particulière. Alors venez avec moi, je vous emmène faire un petit tour de 8 semaines, ici et même ailleurs, pour découvrir le mystère d'une maison, d'une région, d'un endroit que le passé a marqué au fer rouge. Voyage dans un lieu dont l'histoire n'est pas ordinaire, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du départ. Pour commencer, nous ne partons pas très loin de la maison de la radio. Nous allons dans le quartier de la Défense. Les abords de la Défense pourraient vous surprendre. Premier quartier d'affaires européen, la Défense se trouve à la fois dans les villes de Puteaux, Courbevoie, Neuilly-sur-Seine, Nanterre et la Garenne-Colombes. Bien plus que ces célèbres gratte-ciel, on peut s'y promener et découvrir des endroits insolites, plus verdoyants que vous n'imaginez. Au cœur du quartier d'affaires, il y a le parc départemental André Malraux, les archives départementales des Hauts-de-Seine, les tours Aillot, le moulin de Chantecoq, l'hôtel de ville de Puteaux, le théâtre, l'atelier Gaston Garino, l'île de Puteaux et son naturoscope, ainsi que les vignes de la Défense. Sans oublier l'Arche, évidemment, dont Camille Jusa et Lionel Quentin vous racontent tout de suite l'histoire. L'Arche de la Défense, gloire et chute d'un architecte. Camille Jusa, Lionel Quentin. J'aime l'Arche. De tous les projets mitterrandiens, c'est le seul que j'aime sans réserve. Je l'ai toujours aimé. Laurence Cosset, auteur du roman La Grande Arche. Je suis parisienne. Je n'ai pas suivi de près à l'époque les étapes de sa construction, mais une fois l'Arche érigée, je l'ai toujours regardée avec bonheur. Et puis, assez longtemps après, deux éléments se sont mis à tourner dans ma tête, un peu comme les éléments d'un moteur. Je savais sur l'architecte deux choses très embryonnaires. La première, c'est qu'il avait gagné le concours international d'architecture de la Tête Défense en 83, contre toute attente, et de ce fait était sorti d'un anonymat complet, donc la gloire. Et le deuxième élément, non moins simple et non moins fondamental, c'est qu'il était mort peu de temps après, sans jamais avoir vu l'Arche, parce qu'elle n'était pas terminée lorsqu'il est mort. Voilà, la gloire et la mort, une gloire très pure, parce que le concours était parfaitement anonyme. Esprit Kelsen a été couronné pour ses dessins, pour cette vision qu'il avait d'un monument à construire à la Tête Défense. Et la mort violente à un âge encore jeune. Alors, ce que j'ignorais, c'est ce que j'ai découvert en commençant à enquêter, ce qui s'était passé pendant les 4 ans qui séparent ce moment de gloire et cette mort. La réalité est très complexe et j'ai découvert avec effarement qu'elle est de bout en bout tragique. Tant et si bien que certains de ceux qui ont très bien connu Spreckelsen m'ont dit « il est mort de son œuvre ». Johann von Spreckelsen, architecte de l'Arche. À l'automne 1982, l'État français a lancé un concours pour un nouveau monument, un centre international de communication. C'était un beau programme, ça a été annoncé dans tous les médias et de nombreux architectes y ont participé. C'était incroyablement inspirant de travailler à Paris et incroyablement inspirant de travailler sur cette idée d'un centre de la communication. Mais la première fois que je suis venu à Paris, j'ai failli tout abandonner. C'était au début du mois de février, il y avait du vent. C'était un samedi matin ou un dimanche matin, je ne me souviens plus. Il n'y avait pas âme qui vive à la Défense. Ma femme et moi, nous avons marché, absolument seuls, sur cette immense dalle de 300 mètres de long et 100 mètres de large, avec ces énormes tours tout autour, qui ne ressemblent à rien de ce qui existe ailleurs, des tours de 200 mètres de haut. Et puis nous sommes arrivés au bord d'un trou, énorme. Et c'était ça, le site du concours, et c'était tout sauf inspirant. Il n'y avait rien autour, pas le moindre café, rien. On a fini par trouver un petit snack bar. Nous avons pris un café pour nous réchauffer. Et là, j'ai dessiné sur une serviette en papier un petit cube, comme un petit glaçon. Et je me suis dit, après tout, ça n'a pas d'importance. À cet endroit-là, on peut mettre n'importe quoi. Nous voilà pile dans l'axe, au milieu de la dalle de la Défense, face à nous, l'Arche. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, toujours ? Moi, j'aime beaucoup le mot de portique. Si vous voulez. C'est une porte ouverte, c'est une fenêtre, c'est quelque chose qui ne ferme pas la perspective, mais qui l'ouvre et qui appelle à la prolonger, qui appelle à passer de l'autre côté. Elle semble énorme. Et si on commence à scruter le détail, à ce moment-là, on est émerveillé. Par exemple, cet emmarchement, je le trouve d'une perfection très grande. Il me fait penser à un autre emmarchement célèbre qui est les marches du Temple de Jérusalem. On pourrait parler de même des proportions auxquelles Sprengelsel tenait tant, de ce carré, motif omniprésent dans l'arche qui elle-même est un cube, et à vrai dire un hypercube, c'est-à-dire un cube de vide dans un cube de marbre. Et elle est fascinante dans le mouvement. On a intérêt à marcher vers elle pour la voir dans sa beauté très grande. François Chalin, il y a 30 ans, vous écriviez cet ouvrage, La Grande Arche de la Défense. Pourquoi vous avez été d'abord passionné par cet ouvrage-là, par ce chantier-là ? D'abord, j'avais une certaine familiarité avec les grands projets de Mitterrandiens. Et donc, j'avais assez bien connu cette affaire de l'Arche. Et ensuite, je l'ai suivi avec une certaine affection pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la personnalité de Sprengelsel était très déroutante, il y avait une espèce de noblesse en lui qui était très agréable. Et puis parce que j'aimais cette œuvre. Je connaissais bien ce lieu un peu chaotique qui était la Défense. Et j'avais été très préoccupé, comme la plupart des analystes d'architecture, par le destin de la tête Défense. La tête Défense, c'est une... Dans les premières années, quand la Défense a été dessinée, dans les années 50, il ne s'agissait pas d'y construire une tête ou quoi que ce soit, aucun monument. Il y avait un monument qui était le palais du Knit, donc on faisait des floralies, des sandalotos, des choses comme ça. Et puis des successions de choses qui ressemblaient beaucoup à des barres de HLM au début, dans les premiers plans, vraiment des barres de HLM. Puis c'est devenu ce qu'on sait, un plan avec des tours bien équilibrées de gauche et droite, toutes culminant à 100 mètres de haut. Et puis, comme la Défense connaissait à la fois des périodes de crise économique et des périodes de bon développement, donc des saccades, des secousses un peu, est arrivé le projet vraiment qu'on appelait Tête Défense. Donc il y a eu pas mal de projets, notamment un extraordinaire projet de l'architecte Xerfus, qui était une quadruple tour un peu hérissée. On a fait appel à Pei, on a fait appel à beaucoup de gens, on a fait appel à un architecte qui était fort célèbre, qui avait fait notamment la Grande Borne, qui s'appelait Émile Ayot, qui était un ami de Pompidou, et qui avait projeté des immeubles qu'on appelait les immeubles miroirs, qui étaient inspirés des fours solaires de Deio, qui étaient des grandes choses qui avaient beaucoup stupéfait dans les années pompidoliennes. Pour ce qui est de la tête Défense, les années 70, en effet, c'est un moment d'errement, on pourrait dire. Louise Lenne. D'errance. Architecte. Et donc, en fait, on s'interroge à la fois sur ce qui peut être construit. On se demande à la fois s'il faut construire haut, puisque, donc voilà, ce site étant sur une butte, on le verra depuis les Champs-Élysées. C'est pas un axe quand même peu important dans Paris. Et donc, c'est comme le centre de gravité de cet endroit. En plus, en hauteur, donc véritablement, il y a un point d'orgue à trouver à cet endroit-là, et c'est toujours l'enjeu, et c'est les questionnements des années 70, c'est exactement cela. Ouais. Nous sommes montés, nous avons gravi les marches de la Grande Arche et nous voilà sous le portique. Et si on se retourne, quelque chose d'essentiel apparaît, c'est la perspective dite axe historique, l'axe sacré. Alors, axe sacré, peut-être pas, perspective admirable certainement, elle a été dessinée par le nôtre. Elle relie le Louvre et le château de Saint-Germain. tout de même ces grands anciens voyaient grand. Et Dieu merci, elle a été préservée par tous les urbanistes qui ont succédé à le nôtre. Elle a été préservée jusqu'à aujourd'hui. Donc, y a l'Arc de Triomphe, l'avenue de la Grande Armée, la Porte Maillot, l'avenue de Neuilly, sauf erreur, la Seine et la perspective jusqu'ici. Lorsque la Défense a été conçue, les architectes ont ménagé cette vaste perspective en son centre, qui est la structure. Et lorsqu'il s'est agi de construire quelque chose à l'endroit où nous sommes, qu'on appelait la tête défense avant que quoi que ce soit n'y fût bâti, on avait plutôt l'idée de fermer la perspective. Si vous regardez les textes de l'époque, il s'agissait de conclure la perspective, de construire quelque chose de très bien qui fasse pendant l'Arc de Triomphe. La question a toujours été, qu'est-ce qu'on met à cet endroit-là ? Robert Lyon. Et il y avait des projets. Ancien directeur de la Caisse des dépôts. Avec un grand clivage entre les projets qu'on ne voyait pas depuis Paris, c'était le point de vue du président de la République, Giscard d'Estaing, qui ne voulait pas qu'on puisse apercevoir de Paris, des Champs-Élysées par exemple, quelque chose entre les jambes de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, et d'autres un peu plus audacieux, parmi lesquels je me range, qui disaient « il faut qu'il existe un jalon important sur l'axe historique sans s'embarrasser de la hauteur ». Et donc là, il y a eu des quantités de concours d'architecture, c'est l'époque qu'on a appelée postmoderne, donc les architectes faisaient des colonnades, des machins, des facsimilés du Louvre, des dispositifs embrassant le vide, enfin c'était absolument comique, à vrai dire, du point de vue de l'histoire des styles. Et puis finalement, Giscard a choisi un projet qui était d'un architecte assez célèbre, assez âgé déjà à l'époque, qui s'appelait Villerval. Il a choisi un projet tout à fait étrange, un projet qui devait ne pas se voir depuis les Champs-Élysées ou les Tuileries, donc très bas, qui suscite une ironie absolument générale dans le monde de l'architecture, faut bien dire. Ça faisait pour la tête défense, pour ce grand quartier, une petite tête assez minable. C'était un simple immeuble de bureau sans aucune prétention architecturale. Et effectivement, j'ai pris la plume dans une tribune dans le journal Le Monde et cet article s'est appelé « Ça me suffit ». À la Défense, en disant « Comment peut-on avoir aussi peu d'ambition ? Nous sommes bientôt au 200e anniversaire de la Révolution française. Au premier centenaire, on a construit, vous savez quoi ? La Tour Eiffel. Ce n'est pas rien. Et là, on a peur d'avoir un bâtiment qui soit visible de Paris sur ce lieu important qu'est aujourd'hui le quartier de la Défense. » Donc j'ai très fortement critiqué ce manque d'ambition. À chaque changement de président de la République, il y a changement du projet. Ça, c'est la France, et Sprengelsen en sera stupéfait comme en sont stupéfaits tous les étrangers. Quand le gouvernement change en France, il commence par jeter à la corbeille un certain nombre de projets en cours, simplement au motif qu'ils ont été décidés par son prédécesseur. Ce qui est vraiment stupéfiant à l'étranger, mais ce qui en France n'offusque personne. Et lorsque François Mitterrand est élu, eh bien, il ne déroge pas la règle, il dit le projet Villerval à la poubelle. Longtemps avant les élections de 1981, nous évoquions avec François Mitterrand les sujets Jack Lang, à l'art, à la culture, à l'architecture. Ancien ministre de la Culture. Je ne suis pas né à la culture, lui non plus, le 10 mai 81. Voilà, et lorsqu'il est devenu président de la République et qu'il m'a nommé ministre de la Culture, il m'a simplement dit, proposez-moi des projets culturels qui, à Paris et en province, pourraient marquer ma présidence. Alors, je ne demandais pas mieux. Et évidemment, je l'ai enseveli, si j'ose dire, jour après jour, de projets innombrables. Alors, s'agissant de l'Arche de la Défense, à l'époque, on l'appelait la tête défense. Dieu dit alors, à ce moment-là, à François Mitterrand, voilà une occasion d'accomplir un grand geste. Quelqu'un a mis sous les yeux de François Mitterrand, je dirais quelques jours après son élection, au mois de mai ou juin 81, mon papier, il m'a appelé, j'étais donc effectivement à Matignon, Et il m'a dit, est-ce qu'on peut arrêter ce projet? J'ai dit oui. Il suffit de prévenir l'architecte. Bien sûr, 6 mois après, le projet n'était pas démarré. Il m'a dit, voulez-vous s'il vous plaît prévenir l'architecte que son projet est remis en question, ce que j'ai fait. Et on a rebattu les cartes. On a fait un concours international. Mais c'est pas seulement l'histoire de ce site, c'est évidemment aussi l'histoire des grands travaux. Et de Mitterrand, donc. Et en même temps, vous dites les grands travaux de Mitterrand, mais c'était pas les concours de Mitterrand. Mitterrand, il avait pas très envie de faire des concours. Mitterrand, il voulait choisir les projets. Donc, il y a toujours cette ambiguïté ou cette ambivalence plutôt de Mitterrand vis-à-vis de cette façon de faire un choix, parce qu'en même temps, eh bien, il y a cet idéal démocratique du concours. Tout le monde peut participer et que le meilleur gagne. Et en même temps, Mitterrand, il a des idées sur la ville et sur l'architecture. Et donc, il veut garder le choix pour lui. Mais si tout le monde a fini par se mettre d'accord sur le fait qu'il faut un grand monument à la Défense, personne ne s'est vraiment soucié de savoir ce qu'on allait y mettre. Quand on construit quelque chose, de deux choses l'une, ou bien on construit un bâtiment qui a une fonction, en architecture on appelle ça un programme, ou bien on construit un monument purement monumental ou décoratif comme l'Arc de Triomphe. Et finalement, je vais directement à la conclusion, ça aurait été plus simple ici de décider de construire un monument purement ornemental. Mais ça n'est pas ce qu'on a décidé. En fait, le cahier des charges du concours, le concours postulait qu'on allait construire à la Tête Défense un centre international de la communication. Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce centre de la communication ? Eh bien, beaucoup de choses à des heures différentes d'ailleurs. Je crois que ça c'est très important, ça donnera le plein emploi des matériels. On y fera un petit peu de recherche, on y fera de la formation, on y fera surtout de la création. Nous espérons y voir, si vous voulez, la chaîne satellite quand elle sera créée et un centre d'organismes de coopération avec l'étranger, de coproduction avec le tiers-monde en particulier. Et puis le soir et au moment de la journée où les gens peuvent venir, on espère que le grand public viendra toucher au matériel nouveau, voir les pratiques, voir les événements à chaud. Vous savez, c'est un spectacle, les communications. C'est une espèce d'idée comme ça, disons de gauche, comme qui est entre les nouvelles technologies qui ne sont pas encore apparues, qu'on connaît maintenant mais qui n'existaient quasiment pas, et une idée de participation générale, de carrefour du monde, des peuples, des populations, etc. Donc tout ce projet qui est animé par Serge Antoine, qui était un haut fonctionnaire très très au fait de l'innovation, est un projet qui n'existe quasiment pas. Donc en gros, il s'agit de construire un monument sans savoir ce qu'on va mettre dedans. En mars 1983, le jury s'enferme 8 jours entiers en haut de l'austère tour Fiat, un monolithe noir qui domine toute la Défense. Du dernier étage, le jury surplombe le site infiniment compliqué du concours. On y voit superposer une voie ferrée, une rocade autoroutière, une ligne de métro et une ligne de RER. Un écheveau sur lequel 424 candidats ont planché pour en faire surgir quelque chose. On a travaillé, on a passé peut-être 10 minutes sur chacun des 400 projets. On a travaillé beaucoup. Cette année-là, j'ai pas été au sport d'hiver. Et ce jury, composé de gens tout à fait formidables, comme Richard Meyer des États-Unis, Richard Rogers, qui a construit le centre Pompidou de Grande-Bretagne, des architectes japonais, brésiliens. Et on a finalement choisi les 4 qu'on proposait à François Mitterrand. Louise Lenne, on a sous les yeux les 4 finalistes du concours de 82. Ce qui est extrêmement frappant, d'abord, c'est qu'il y en a 3 qui sont dessinés dans le même axe. Hein, c'est la même vue aérienne. Et un seul paraît quasiment crayonné et il est en contre-plongée. C'est celui de Spreckelsen, c'est celui de la Grande Arche. Ce qui est très juste, c'est qu'il y a une différence de qualité du dessin. Avec notamment l'autre projet lauréat, le projet numéro 210, le projet de Viguier-Jaudry, qui est extrêmement maîtrisé. Et donc on sent que derrière, il y a une équipe très professionnelle, très solide. Et ça, le jury, pendant les discussions, pendant les débats, le voit très bien. À l'inverse, le projet de Spreckelsen est un dessin qui semble, il a été qualifié notamment de poétique. Les membres du jury se doutaient qu'ils avaient face à eux, pas vraiment face à eux, un architecte qui avait beaucoup moins d'expérience que d'autres qui se présentaient à ce concours. Le président de la République a hésité pendant plusieurs semaines. Il avait les quatre projets sous forme de leurs panneaux dans un salon. Il emmenait quelquefois ses visiteurs pour leur demander un avis. Et moi, j'étais assez souvent présent en tant que président du jury, un peu conseiller du président de la République sur ces questions. Et c'est vrai que je lui ai fait valoir cette présence sur l'axe sans fermer. Et il a finalement accepté. Il a choisi. C'est lui qui a choisi, bien sûr. Il y a une unanimité autour du projet de Spreckelsen. Quel est, à votre avis, le coup de génie? Qu'est-ce qui, d'emblée, sur ce qui était des esquisses, fait que ce bâtiment est exceptionnel? Je crois que ce n'est pas seulement un coup de génie, je crois que c'est l'œuvre d'un génie. C'est une vision parfaitement adaptée à l'endroit. À mon avis, c'est plutôt un génie d'urbanisme qu'un génie architectural. Enfin, j'aime beaucoup l'architecture de l'arche, la forme, je la trouve très réussie. Mais ce que j'admire encore plus, c'est l'insertion de cet objet architectural dans l'environnement, à l'endroit où il est. C'est difficile maintenant d'imaginer autre chose que cette arche. Et ça, c'est bien le signe qu'elle va parfaitement bien là où elle est. Vous voyez, ce grand portique ouvert, mais pas seulement cette forme, les proportions, la situation, la position, vous savez qu'elle est légèrement décalée, enfin tout ceci qui semble maintenant évident parce que c'est là, eh bien il faut l'imaginer à l'époque où ça n'était pas là, il faut l'imaginer dans le cerveau de Spreckelsen, et c'est une vision, à mon avis, géniale en termes urbanistiques et en termes architecturaux. C'était une bénédiction mitigée, ce concours. La défense reflète la réalité, la lutte de tous contre tous. Il y a des multinationales, des banques et des assurances, quasiment pas de logement. Et chacun doit montrer qu'il est plus puissant que les autres. Alors il y a du bon et du moins bon. Certaines choses sont faites avec beaucoup d'élégance, d'autres moins. C'est un grand mélange. C'est à la fois fascinant et affreux. Vous avez cette étrange impression, à la fois il y a tout ce pouvoir qui est captivant, mais quand vous le regardez comme un architecte, vous vous demandez, est-ce que c'est obligé de ressembler à ça? Mais voilà, c'est la réalité et je me suis dit que je devais l'accepter. Et donc, c'était important que j'appartienne à la même famille que les autres buildings. Il y a la grande tour Fiat, toute noire, construite par Skidmore, Owings et Merrill. Il y a un centre commercial, il y a toutes ces tours, et même une tour assez ancienne de Jean Prouvé, à l'entrée de la Défense. Je ne voulais pas être à part parce que je savais que je ferais partie de ça. Mais je voulais quand même garder une certaine individualité. J'ai donc choisi cette même architecture, un peu froide, avec les façades de verre lisse, du marbre et de l'acier. Mais pour des raisons d'appui dans le sol, j'ai été obligé de désaxer très légèrement mon bâtiment, de 6,5 degrés par rapport à la perspective. Du coup, mon cube est légèrement désaxé, alors que tous les autres buildings sont bien alignés. Et ça, les Français ont trouvé ça merveilleux. Alors, chose assez cocasse, c'est vous qui ouvrait l'enveloppe pour connaître le nom de l'architecte. Ce concours est anonyme. Et là, que se passe-t-il? Il se passe qu'on découvre le nom d'un architecte que personne ne connaissait, Otto von Spreckelsen, danois, Danemark. Et on n'en a jamais entendu parler. Il y a les coordonnées, et on téléphone, je téléphone, ça se passe en anglais. Et je tombe sur son fils qui n'était pas au courant du fait que son père avait postulé pour ce concours. Et il me dit, mon père est sur une île, il est parti à la pêche, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, nous sommes en 1983. Et comment joindre le père? Je lui dis, c'est très important, c'est le président de la République française qui veut lui parler. Alors le fils me dit, ah, c'est une bonne blague, et il raccroche. On a dû faire envoyer quelqu'un de l'ambassade de France pour rétablir le contact et finalement mettre la main sur l'architecte dans son île. Et finalement, le projet qui est arrivé en tête était celui d'un inconnu. Monsieur Spreckelsen, un architecte danois, le jury avait été impressionné par la simplicité, la rigueur de son dessin. J'ajoute que non seulement Monsieur Spreckelsen était un inconnu, mais il avait très peu construit dans son pays. Je me suis rendu au Danemark pour apprécier sur place ses œuvres. Elles étaient relativement modestes. C'était, je me souviens, surtout d'une église charmante, jolie, mais ce n'était pas une bâtisse d'ampleur. Donc il y avait un pari. Confier un acte aussi important à un architecte inconnu qui avait lui-même peu construit. En ce printemps 1983, Johann von Spreckelsen, professeur d'architecture revenu de son week-end à la pêche, fait le voyage en train depuis Copenhague pour Paris. 18 heures pendant lesquelles il revoit son projet et se prépare à rencontrer le président de la République française. Il est sans doute groggy, grisé par cette gloire si soudaine, alors qu'il traverse les paysages plats à fleur d'eau qui le conduisent vers la France et vers un chantier dont certains disent qu'il a eu finalement sa peau. J'étais très heureux et surpris, bien sûr. C'est bien de gagner le premier prix. Nous nous sommes précipités à Paris et bien sûr, l'endroit était complètement différent. C'était le printemps, le soleil brillait et il y avait beaucoup de gens. Ça n'avait jamais été aussi beau. Tout s'est passé très vite. Il y a eu une grande conférence de presse avec 150 journalistes qui étaient là à attendre. Par courtoisie, le jury a laissé les autres lauréats parler en premier. D'abord, les lauréats du troisième prix. C'étaient des Canadiens. Et ils ont présenté leur projet. Puis ils ont dit qu'ils avaient aussi construit des écoles, des milliers d'appartements, des usines et des immeubles de bureaux partout dans le monde. Je me suis dit que ça avait l'air très intéressant. Puis sont arrivés les autres lauréats qui, eux aussi, avaient construit des tas de choses, des maisons et des quartiers entiers. Ils avaient réhabilité des bâtiments, construit des usines, participé à des grands projets de développement, etc. Et finalement, ça a été mon tour et j'ai dit, comme ça, de but en blanc, que je pensais que le cube était tout simplement la meilleure chose à faire ici. Et tout le monde a applaudi. Les Français, ils n'ont pas besoin de raison. Vous leur dites simplement que c'est un cube dont ils ont besoin. Ils vous applaudissent. Mais ensuite, quelque chose de terrible s'est passé. L'un d'eux m'a demandé « Qu'avez-vous fait d'autre comme architecte ?» Et j'ai répondu la vérité, que j'avais construit 4 églises et ma maison. Et là, ils ont applaudi. Ils étaient absolument ravis. Je n'ai pas du tout compris pourquoi ils applaudissaient. Et puis le soir, à l'ambassade, on m'a expliqué que les Français avaient cru que j'avais été modeste, que je n'avais rien dit à propos de toutes les maisons, toutes ces écoles, enfin tout ce que j'avais fait entre ces 4 églises et ma maison, que c'était trop long, que j'étais un grand architecte qui ne prenait pas la peine de mentionner toute son œuvre. Quand ils ont compris que c'était la vérité, eh bien ils ont continué à penser que c'était vraiment intéressant et drôle que je n'en ai pas construit davantage. Parmi les 424 candidats au concours, Laurence Cossé, on a découvert, après coup, que 423 étaient des grandes agences d'architecture, des grands cabinets étrangers ou français comptant 30, 50, 100, 200 collaborateurs, et que le gagnant était le seul à être seul, si je puis dire. Le gagnant était un professeur qui avait imaginé ce projet tout seul, qu'il avait fait valider par un ingénieur, qui n'était même pas son collaborateur. Spreckelsen n'avait pas de collaborateur. Et donc, c'est cet homme qui, d'une part, gagne le concours et surtout qui est parachuté maître d'œuvre, c'est-à-dire patron de la partie architecturale de la construction. À l'évidence, Spreckelsen qui n'était pas un bâtisseur, a souffert tragiquement de ce défaut d'expérience. Alle der har været i Paris, eller selv de der ikke har været der, de ved at Paris er karakteristisk ved et Eiffeltårn. Det ser sådan ud. Johan von Spreckelsen. Tous ceux qui sont allés à Paris, et même ceux qui n'y sont pas allés, savent que le symbole de Paris est la tour Eiffel. C'est une tour, et ça ressemble à ça. Ils savent qu'il existe aussi quelque chose appelé le Sacré-Cœur, qui ressemble à ça, des coupoles, et en contrebas de grands escaliers. On sait aussi qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'Arc de Triomphe et qui ressemble à tous les autres Arcs de Triomphe, c'est-à-dire une chose un peu comme ça, avec un trou dedans. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Centre Pompidou, ça ressemble à ça, avec un escalator sur la façade. Vous voyez, ce qui est drôle dans tous ces bâtiments, c'est qu'aucun d'entre eux n'a quoi que ce soit à voir avec le reste de Paris. Tous ces monuments célèbres de Paris, ce sont des édifices qui ne sont pas caractéristiques de ce qu'est Paris. Et d'ailleurs, ils sont tous uniques dans leur genre. C'est vraiment drôle parce que si vous faites le croquis d'une ville, vous allez montrer ses différents quartiers, leurs habitations, mais ce n'est pas le cas pour Paris. Et c'est l'une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai travaillé sur le concours de la Défense. C'est que tout ce que nous connaissons de Paris est finalement assez différent de ce qu'est Paris en réalité. Alors je me suis dit que s'il voulait quelque chose de nouveau, un nouveau monument, je devais penser à quelque chose qui n'avait rien à voir avec Paris et qui n'avait jamais été fait. Alors comme il n'y avait aucun cube à Paris, je me suis dit, voilà ce qu'il leur faut. Il leur faut un cube. Nous sommes donc fin mai 1983. Après la conférence de presse où Spreckelsen a fait sensation, il est convoqué à l'Élysée pour rencontrer le prince, le président François Mitterrand. Tout le monde retient son souffle, car l'architecte danois, que personne ne connaît, qu'on a cherché partout, inquiète. Longiligne, vêtu de noir, belle crinière blanche, on ne saurait dire pourtant s'il est élégant ou plouc. Mais surtout Spreckelsen porte à ses pieds pour ce rendez-vous au sommet des sabots, ou tout du moins, les sources divergent, des chaussures abominablement confortables, voire anatomiques. Ce que l'on sait, et ça Robert Lyon le garantit, c'est que Mitterrand ne peut décrocher son regard des godillots de l'architecte, tout comme l'aéropage de conseillers et les quelques journalistes présents. Mais soulagement, entre le président et l'architecte, la mayonnaise prend. Ils se sont assez plus d'abord parce que Spreckelsen était un homme beau et d'une beauté d'aristocrate, une beauté de François Chalin. Je sais pas quoi, l'élégance d'un mondain new-yorkais. C'est un homme assez différent comme genre nordique, donc assez réservé, ce qui ne déplaisait pas à Mitterrand. Est-ce que beaucoup d'autres architectes, j'imagine, lui tapaient dans le dos, auraient aimé lui taper dans le dos. Il avait ceci d'assez particulier, c'est qu'il avait des grosses godasses en bois, des sortes de sabots pré-écologiques, enfin, ou écologistes. Et puis, c'est un homme de peu de discours, ce qui est aussi, par rapport au babil quand même effrayant des architectes, est quand même une chose qui était rassurante pour un président de la République. Il avait trouvé là une sorte de gravité qui lui plaisait. C'est que l'homme ressemblait à son projet, l'homme ressemblait à cette gravité, à cette solidité. Il a montré ensuite qu'il était fort solide, en effet, dans les difficultés terribles qu'il a connues. Le prince s'entend avec l'architecte. C'est un couple fameux dans l'histoire, l'architecte et le prince. C'est un couple qui est à l'origine de toutes les grandes constructions que nous avons encore de par le monde. Alors, à ce moment de l'histoire, c'est l'idylle. Le prince a besoin de l'architecte, l'architecte a besoin du prince. Ils se mettent d'accord et ils sont extrêmement heureux d'eux-mêmes et de ce qui va se faire. Et c'est peut-être le président, et il n'était pas tilfreds avec ça. Donc, nous avons fait un modèle. Le président Mitterrand était assez anxieux de savoir ce qu'on allait voir depuis les Champs-Élysées, à travers l'Arc de Triomphe. Donc on a fait réaliser une grande maquette, une immense plaque de la taille du toit du cube, et on l'a soulevée dans les airs. Mon collaborateur Redzel a appelé cette opération le levage fantastique. On avait fait venir une grue géante de Marseille, un modèle allemand, qui a permis de suspendre la plaque à 100 mètres de hauteur, à la hauteur du toit de l'arche. On avait tout préparé et arrangé, et donc un jour, en fin d'après-midi, on a soulevé l'immense plaque avec cette grue géante et quatre petites grues qu'il a stabilisées depuis le sol pour qu'elles ne se mettent pas à tournoyer dans les airs si soudain le vent se levait. Et on a appelé le président de la République. Je me suis précipité à l'Élysée en taxi et il m'a dit « Oh, c'est là-haut ? » J'ai dit « Oui, c'est là-haut. » Et il a couru à travers le jardin jusqu'à une petite porte. Il a dit au garde qui se trouvait là « Ouvrez-nous, nous devons sortir. » Le garde a posé son fusil, s'est précipité dans sa hutte pour trouver la clé qu'il ne trouvait pas. Il était complètement paniqué et confus. Et puis on est sorti et on s'est retrouvé au milieu des Champs-Élysées, entre les files de voitures, le président, l'interprète et moi. Au bout d'un moment, on a vu ces gardes du corps débouler, complètement affolés. Le président a dit « Écoutez, c'est un endroit un peu plus sûr, personne ne sait que je suis ici. Ça n'a été annoncé nulle part, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » Et nous sommes restés là. On hurlait parce qu'il y avait beaucoup de circulation et l'interprète, qui avait une toute petite voix faible, n'arrivait pas à se faire entendre. Le président lui disait « Qu'est-ce que vous dites ?» Donc nous étions là à crier et puis Mitterrand a dit « Mais c'est bleu ?» Alors j'ai dit « Oui, c'est bleu. » Parce que c'est le soleil du soir, donc c'est bleu, mais tôt demain, ce sera rose. Oh, il a dit, demain, ça sera rose. Oui. Et donc, à sa demande, nous avons à nouveau fait lever la plaque le lendemain matin, juste avant qu'il ne se rende à l'aéroport pour une visite d'État. Et en effet, c'était rose. J'étais ravi. Et puis, assez vite vient le temps des études, et là, déjà, le ciel s'assombrit, c'est-à-dire que le financier dit « c'est bien joli ce projet, mais on n'a pas assez de moyens ». Le juriste dit « c'est bien joli, mais on n'a pas le droit de faire ça ». Les ingénieurs disent « c'est bien joli, mais techniquement, comment ça tient ?» etc. Donc déjà, au moment des études qui sont très longues pour ces projets et qui consistent en fait à réviser le projet, à l'affiner, à l'adapter, déjà l'architecte commence à maugréer. Et déjà, le principe de réalité empiète sur le rêve. Il était beaucoup sur ses gardes. Robert Lyon. C'est un homme froid, un vrai nordique, pénétré par l'idée que son esquisse était géniale, ce qui est vrai, et qu'il fallait ne pas la laisser défigurer. Ça se passe assez vite, très mal, entre l'architecte et les Français, notamment ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, donc les gens qui sont en charge de la commande, qui ne sont pas à Mitterrand directement, même si Mitterrand a des liens avec lui, il y a quand même des maîtres d'ouvrage et ça ne se passe pas très bien. Ça se passe mal pour diverses raisons. D'abord, ça se passe mal pour des raisons... c'est un homme qui n'a pas l'habitude de construire. On lui associe Paul Andreu, très bon architecte et ingénieur, auteur de dizaines d'aéroports dans le monde, mais à l'époque, il était surtout auteur de Roissy. Et André n'a pas tout à fait la même éthique ou esthétique du bâtiment que lui. Il est plus un homme du béton armé. On le voit bien dans ses bâtiments de Roissy, par exemple. Spreckelsen pense qu'il va régner, qu'il va être protégé par Mitterrand. Mais il se trouve qu'il y a quand même des règlements aussi en France. C'est-à-dire qu'on doit faire des appels d'offres. Il y a toutes sortes de systèmes qui sont très compliqués. Il a contre lui ou face à lui, avec lui, l'entreprise Bouygues, qui est une puissance extraordinaire, presque aussi puissante que l'État, quasiment. Mais Bouygues, à l'époque, ne possède pas encore peut-être les télévisions, mais ça va venir. Donc, il est face à un monde difficile. Le maçon, c'est l'entreprise Bouygues. L'entreprise Bouygues, elle compte 200 polytechniciens, je ne sais combien de centraliens, des ingénieurs de très très grand calibre qui tous s'y connaissent bien davantage que Spreckelsen en matière de construction. Donc, déjà, Spreckelsen, qui est le patron, parce qu'il a gagné le concours, qui est le patron de l'architecture, est incapable d'exercer cette charge. Et celui qui le sait le mieux, c'est lui. Et ça le met dans un étau d'angoisse effroyable, d'autant qu'il a une autre source d'angoisse, qui est qu'il se méfie affreusement des Français. Et là, il n'est pas le seul au Danemark. Tout le monde au Danemark, et tout le monde dans bien des pays, je l'ai découvert avec chagrin en écrivant ce livre, considère les Français, les Italiens et les Espagnols comme des Latins, des Romains, qui sont des gens brillants, très séduisants, très amusants, mais alors avec lesquels il ne faut surtout pas travailler. Il faut se mettre aussi à la place de cet architecte qui ne pensait pas gagner ce concours international, qui considérait que la France était un petit peu un pays barbare et qui se méfiait beaucoup. Mais il faut penser aussi à l'architecte associé qui avait affaire à une esquisse. Aucun plan de détail, quasiment pas d'indications sur les techniques de construction, comment on allait faire cette immense structure, notamment ce pont de 80 mètres de large à 100 mètres de hauteur, supportant le toit. Il y a eu des discussions infinies entre Andreu, les bureaux d'études techniques qui doivent garantir la construction dans le temps, et Sprengelsen. Tout est négocié, tout est un problème. Il repart au Danemark, il envoie tout le temps des refus par fax. Vous racontez qu'il signe The Architect, comme ça, que ça exaspère les Français. Enfin, ces gens ne se comprennent pas, en fait. Il y a des tensions extrêmes entre... Paul Andreu m'a dit... on échangeait des noms d'oiseaux, on s'engueulait furieusement. Paul Andreu n'est plus, mais comme il parlait en anglais, Robert Lyon m'a dit « j'ai beaucoup enrichi mon vocabulaire ordurier anglais à les écouter ». Ça a été très loin, si vous voulez. À un moment, il a fallu écarter l'un des deux du chantier. Ça a été Andreu qui a été mis en pénitence pendant un certain temps. Enfin, l'ambiance était absolument terrible, la violence était très grande. C'est vraiment un choc des cultures qui s'est produit là. Louise Lane. Entre un architecte ingénieur très rationnel et donc vraiment penché sur la faisabilité des choses et Sprengelsen qui, lui, voulait plutôt essayer, prendre du temps, tout en reprochant aux Français de prendre du temps pour prendre leurs décisions. Mais voilà, ils ne s'entendaient pas au sens premier du terme. Sprengelsen dit même à un moment on parle en anglais, c'est la langue de personne et donc c'est compliqué parce que parfois moi j'ai l'impression qu'une décision est prise, qu'elle est ferme et définitive et eux en fait ils ont l'impression que c'est encore ouvert. Donc tout ça très vite a tendu les rapports et Andreu avait eu cette expression, il m'avait dit je me suis retrouvée entre l'arbre et l'écorce au milieu de la maîtrise d'ouvrage qui lui disait fais comme ci, fais comme ça et de Sprengelsen qui lui disait tout autre chose. Sprengelsen voudrait édifier le squelette de l'arche, voir s'élever la structure nue avant de l'habiller. Non, dit Bouygues, c'est trop cher. Il voudrait recouvrir d'un verre lisse les faces du cube, sans soudure ni montant. Non, dit Saint-Gobain, trop dangereux, mais nous pourrons, monsieur l'architecte, vous donner l'illusion de planéité. Chaque fois, Sprengelsen est mortifié. C'est son art que la technique ou la finance attaque. Drapé dans son intransigeance, il refuse d'être accompagné à Carrare et choisit seul le marbre qui doit revêtir le cube. Un marbre hors de prix qui fait grincer des dents les Français. Il se trouve que François Mitterrand était passionné par la construction, l'architecture. Il se trouve qu'il s'est investi personnellement énormément dans ce grand train de projets monumentaux qu'il avait lancé. Mais au lieu de laisser travailler toutes les structures conçues pour ce faire, c'est-à-dire les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre, l'une équilibrant l'autre, il s'est immiscé d'une manière perverse. Ce n'était pas de la perversité morale, mais ça a perverti le fonctionnement de ces chantiers, au point qu'on peut parler de corruption. Ce n'est pas une corruption financière, c'est une corruption politique. Der er et problem, som skal løses snart, og det er, om marmoren skal have en overfladebehandling eller stå i naturen. Il y a un problème qui commence à s'imposer, c'est à savoir si le marbre doit subir, la surface doit subir un traitement. Quel traitement? Det er en overfladebehandling, der lukker porerne til marmor, så vandet ikke trænger ind. Un traitement qui ferme les pores du marbre de manière à ce que l'eau ne pénètre pas. Og det er jeg lidt bange for, fordi så kan stenen ikke ånde og få sin naturlige patina. Mais ça ne plaît pas trop à M. Sprengelsen parce qu'il estime que la pierre ne respirera pas et n'aura pas une patine naturelle. Mais l'expérience, bien, la pierre est la pierre. Si vous changez sa nature, elle n'aura plus à travers les temps l'évolution qu'on attend d'elle. Quant à savoir si du marbre peut tenir les affronts du temps, il existe assez d'exemples. Il faut estimer que ça a été démontré. Alors, on dit à condition de bien choisir le marbre. Ça me dit qu'il faudra attendre au moins quelques centaines d'années avant de voir quelques dégâts sur le marbre. Oui, oui. On travaille pour quelques centaines d'années. Ce qui est absolument navrant, c'est que personne ne s'offusque de ce type de déviance du pouvoir qui ralentit considérablement les choses en France. Du coup, la maîtrise d'ouvrage, dont la fonction était de dire à Sprengelsen Monsieur von Schreckelsen, ce que vous demandez ici est impossible, point. Ne pouvait pas le faire, puisque d'une part, Schreckelsen était l'architecte élu par le président de la République qui veillait à tout, et d'autre part, Robert Lyon tenait beaucoup à ne pas se fâcher avec le même président de la République. Vous avez un système très pervers en France. Et puis, autre chose extrêmement difficile aussi, c'est que très rapidement, c'est-à-dire au bout de 3-4 ans, la gauche perd les élections et que le Premier ministre Jacques Chirac essaye de nuire le plus possible à tous les grands projets mitterrandiens. Le Louvre, le ministère des Finances, l'Opéra Bastille qui est interrompu, enfin vous connaissez un peu toutes ces histoires-là. Donc la Grande Arche devient portée par les mitterrandiens et par Robert Lyon et les gens qui l'entourent dans une forte opposition politique. 1er juillet 85, ouverture du chantier. Ouverture du chantier. Début du construction des fondations. Avril 86, élection législative, renversement de majorité. Et on a cette situation inouïe qu'on a appelée la cohabitation. Le gouvernement gouverne, le président ne préside plus. Alors ça, Schreckelsen ne l'a jamais compris. Comment ce président, qui avait organisé le concours, qui avait choisi l'Arche et qui était si attaché à l'Arche, tout d'un coup, dans l'affaire, n'a plus de pouvoir. Il n'a jamais compris. Alors, il y a le renversement de majorité, très bien, c'est légal, c'est démocratique. Il y a la malignité politique. C'est pas parce que la majorité change qu'elle doit détricoter ce qui vient d'être tricoté à grand-peine par l'équipe précédente. On pourrait réfléchir au coût que ça représente pour l'ensemble de la collectivité. Et à la Défense, il se passe un travail de sape absolument malin, uniquement malin, dont on peut résumer l'intention en disant, c'est moi qui le dis, qu'on s'est ingénié à casser le jouet préféré du président Mitterrand. On l'a cassé comment ? On l'a cassé en supprimant le financement public de l'affaire, c'est-à-dire en amputant le budget de manière telle qu'il n'était plus possible de construire l'Arche. Juppé me dit, est-ce que vous pouvez arrêter votre chantier, monsieur Lyon ? Je lui dis que je ne peux pas. Et il me dit, alors il faut au moins supprimer l'équipement qui est prévu dedans, qui s'appelait le carrefour de la communication. Et on a transigé là-dessus. Simplement, ça devait être un établissement public d'État. Et l'État avait déjà versé à nous, le promoteur, le maître d'ouvrage, une des sommes très importantes pour préfigurer son implantation dans le bâtiment. Alors, il faut savoir que François Mitterrand tout de même a été particulièrement ambigu à cette époque, puisqu'il a été question d'abandonner l'Arche, en fait, d'abandonner le projet de Schreckelsen. On n'a pas l'argent, les fondations sont à peine sorties de terre, on va faire je sais pas quoi, un supermarché de 30 mètres de haut, enfin, on pouvait tout imaginer. Et François Mitterrand, à ce moment-là, a prêté l'oreille à Christian Pellerin. Christian Pellerin, c'est un promoteur. Au moment où l'équipe qui est pour lui l'ennemi, l'équipe publique autour de Robert Lyon et de Schreckelsen est bafouée et il se voit couper les financements, Christian Pellerin se dit « c'est mon heure ». Christian Pellerin était un promoteur très dynamique qui avait construit une bonne partie des tours de la Défense avant, qui était le promoteur de la Défense, un jeune promoteur privé, très soucieux de faire beaucoup de profit, mais assez professionnel, et qui ne pouvait pas admettre que la tête de son quartier, la tête Défense, soit réalisée par un individu plus ou moins socialiste et patron d'une institution publique, la Caisse des dépôts. Donc il a essayé effectivement de me déloger de là. Christian Pellerin voulait arranger tout le quartier à sa façon et défigurer un petit peu l'Arche. Il avait préparé une grande maquette qu'il voulait présenter à François Mitterrand. Et j'ai fait savoir à l'Élysée que si le président de la République allait voir la maquette de Pellerin, je ne continuais pas d'assurer la promotion de l'Arche. C'est Jean-Louis Subilot qui était directeur de la maîtrise d'ouvrage et qui vraiment a suivi cette affaire jour après jour à plein temps. Il a été le seul. Comme dit Robert Lyon, c'est la pierre angulaire de l'affaire. Jean-Louis Subilot m'a dit, non pas c'était ignoble, il m'a dit c'était ignoble. Ça a été ignoble. c'était les Médicis, c'était les couteaux tirés sur l'esplanade. Il fallait, en sortant de son bureau, regarder à droite, regarder à gauche et regarder derrière. Et donc, nous avons dû trouver les sommes pour rembourser l'État en continuant notre opération de promotion avec des financements à monter. Et pour ça, il a fallu remettre en cause l'opération. Et on ne l'a pas touché à l'Arche, on a touché à des bâtiments annexes de part et d'autre qui faisaient partie du projet qu'on appelait les collines. Donc on a préservé l'Arche intégralement, mais on a dû défigurer les collines de Sprakelsen qui sont sur les côtés, qu'on voit à peine aujourd'hui, qui sont les bâtiments à gauche et à droite, qui sont devenus deux fois plus denses, qui nous a donné, pour notre société maître d'ouvrage, les ressources nécessaires pour fameusement rembourser l'État. Cet été-là, l'été 86, alors que vous êtes en train de sauver son projet de la promotion privée, Sprakelsen démissionne. Oui, Sprakelsen était un homme au caractère difficile, compliqué. Je ne saurais pas vous le décoder, je ne l'ai pas toujours bien compris. Et il a été dépassé par son œuvre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le chantier. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est cette ouverture ici, cet élément qui monte là? Il était incapable de répondre. Et il a lâché prise, en quelque sorte. Il y a quelque chose de tout à fait pathétique. Sprakelsen démissionne le 31 juillet 86. C'est l'affliction générale dans l'équipe en France. Tout le monde est navré. Le président Mitterrand est furieux, dit « débrouillez-vous pour le rattraper ». Il est de marbre, il part au Danemark. Et puis, il revient en octobre sans avoir prévenu personne. On ne sait pas très bien ce qu'il venait faire à Paris. Il avait dit qu'il ne voulait plus entendre parler du chantier. Le protocole de démission est pathétique, qu'il ne voulait plus que son nom soit associé au chantier. Peut-être qu'il avait quand même l'idée d'aller voir en douce à la nuit le chantier. Enfin, toujours est-il que pendant ce séjour à Paris, il est pris de douleurs violentes. Vous entendrez dire qu'il a démissionné parce qu'il était malade. C'est faux. Il démissionne et juste après, il apprend qu'il est malade. Et il meurt en mars 87. Voilà, il est probablement mort d'un cancer fulgurant, ce qui permet à certains qui font le lien entre le déchirement interne, l'humiliation, la démission et le cancer, de penser qu'il est mort de son œuvre. On était sûr qu'on allait construire son bâtiment. De toute façon, je dirais qu'il soit là ou non, on était parti avec Paul Andreu pour être fidèle à l'esquisse de Sprakelsen. Je ne savais pas qu'il allait décéder l'année suivante. Je pensais qu'il reviendrait, qu'il serait là le jour de l'inauguration, etc. Voilà, donc on a quand même mené à bien, je pense, en bonne fidélité à l'esquisse de ce grand monsieur. C'est ce qui est très triste dans cette histoire, il n'y a pas de médiocre. Les Français qui ont été tant décriés par Sprakelsen sont des gens bien. Ils auraient voulu que toutes ces négociations si dures se passent moins durement. Comme me l'a dit magnifiquement François Chalin, ils ont essayé de prendre le projet des mains trop fragiles de Sprakelsen. Sprakelsen a vécu ça comme une dépossession. Il était obsédé à l'idée qu'on touche à son projet. Et le fait est qu'on y a touché énormément, énormément. Le 15 juillet 1989, les célébrations du bicentenaire de la Révolution française s'achèvent par une rencontre des puissants de ce monde au sommet de l'Arche. On se presse au pied des ascenseurs, ces petites capsules de verre dessinées par l'architecte et dont on se rend compte au passage qu'elles sont sous-calibrées pour hisser les 3000 invités au sommet. Qu'à cela ne tienne, on patiente. En haut, la fête bat son plein, le champagne coule à flot. On a fait faire un mobilier éphémère à André Poutman. Au pied de l'Arche, dans son socle désert, une minuscule assemblée se tient autour d'un petit poste de télévision. On a installé à la hâte de quoi regarder un film tourné à la gloire de l'architecte déjà oublié. Devant, Madame Spreckelsen et ses quatre enfants qui ont fait le voyage. La fête terminée, le mobilier rangé, l'Arche a attendu longtemps qu'on lui assigne une fonction. Arche de la Défense, de la Fraternité, des Droits de l'Homme, Grande Arche, on n'est pas sûr d'avoir encore trouvé. Son marbre s'est finalement décollé. Après 25 ans, il s'est révélé poreux. On l'a remplacé par du granit. Mais peu importe, l'Arche a survécu à un thriller politico-financier et elle continue de faire événement, puissante et courtoise. L'Arche touche au sublime, je crois. C'est pas une chose que je suis la seule à penser. Pas mal de commentateurs ont parlé d'une impression de sacré en voyant l'Arche, au pied de l'Arche, ou pas forcément au pied d'ailleurs, en la regardant, en avançant vers elle. Il y a quelque chose de très spirituel dans cette construction. Il y avait chez Spreckelsen quelque chose de très spirituel. C'est tout de même assez singulier d'avoir construit quatre églises cubiques. Non pas cubiques à l'extérieur, mais cubiques à l'intérieur. Quatre églises et puis l'Arche. On a voulu lui faire dire que c'était encore un temple. Bon, il n'était pas métaphysicien, il n'a pas beaucoup commenté, mais enfin, on peut y voir tout de même un bâtiment très profondément marqué par sa spiritualité propre. Voilà, les francs-maçons ont dit que c'était franc-maçon, les ésotéristes égyptiens ont dit que c'était de l'ésotérisme égyptien. C'est un formidable réceptacle à fantasmes, comme tous les grands monuments. C'était l'Arche de la Défense, gloire et chute d'un architecte. Avec Laurence Cossé, François Chalin, Robert Lyon, Louise Laine, Jack Lang et Johann Otto von Spreckelsen, tiré du film de Dan Tchernia, Homage to Humanity. Voix Renaud Bertin. Merci à Jean-Marc Lefebvre, prise de son Yann Frécy, mixage Stéphane Desmond. Coordination Christine Bernard, épaulée par Juliette Testa. Un documentaire de Camille Jusa et Lionel Quentin. Histoire particulière, c'est fini. Dimanche prochain, à 16h, ce sera la suite de notre voyage vers un autre lieu, une autre histoire.